Le béton a une odeur spéciale, tu ne trouves pas? Sur la planète Terre. Alors, vous me recevez? Encore un poisson aujourd'hui? Un jour blanc, un dauphin. Écoutez, aujourd'hui, j'ai bien gardé la paix dans la vie. Mais qu'est-ce qui sort de son œil? Et je vais toi, réfléchis. C'est un jet de rayon qu'il tire par son œil. C'est une arme fatale géniale. Allô? C'est un pour moi, agent blanc au rapport. On s'apprête à fendre les eaux. Fais du mal aux autres. Je tiens.